C'est un tout petit pays, peuplé par quelques centaines de milliers d'habitants, la seule ancienne colonie espagnole d'Afrique noire. D'un côté, il y a une partie continentale, une enclave taillée à la serpe dans la forêt équatoriale par le colonisateur entre le Gabon et le Cameroun. Et plus loin, beaucoup plus loin, deux îles, elles-mêmes distantes de plusieurs centaines de kilomètres, ont été rattachées à ce territoire. Bref, un ensemble disparate autant sur le plan géographique qu'ethnique. Mais ce petit pays, la Guinée équatoriale, regorge de ressources naturelles, à commencer par le pétrole qui lui a permis en seulement quelques années de décupler son produit intérieur brut. Ajoutons, pour finir de brosser ce bref tableau, que depuis son indépendance, en 1968, la Guinée équatoriale n'a jamais réellement connu la démocratie et que deux terribles dictatures s'y sont succédées. Mais pourquoi M. X a-t-il choisi de parler de ce petit pays qui n'a jamais l'honneur de faire les grands titres des journaux et que la plupart d'entre nous ont du mal à situer sur une carte? Parce que dans la première partie des années 90, on y a enregistré un certain nombre de morts mystérieuses. Des morts de citoyens français, coopérants ou fonctionnaires qui n'ont toujours pas été élucidés et ne le seront sans doute jamais. Que s'est-il réellement passé en Guinée équatoriale? Pourquoi ces hommes sont-ils morts? Quel secret avait-il percé? Dans un instant, le récit de M. X. Un assassinat, un autre probable, une tentative d'empoisonnement plus trois décès hautement suspects. Tous ces faits touchant la communauté française, ça fait quand même beaucoup, n'est-ce pas? Surtout dans un pays de 400 000 habitants. La petite Guinée équatoriale. Oui, oui. Ce qui est particulièrement choquant, c'est qu'officiellement, aucune explication sérieuse n'a été donnée. Ouais, le mystère demeure. Je peux vous dire tout de suite, ni du côté équato-guinéen, ni du côté français, on a réellement cherché à savoir. Enfin, je parle bien sûr des autorités, car il s'est trouvé quand même des magistrats et des policiers français qui ont essayé de traquer la vérité. Oui, mais parce que je comprends en vain, quoi. Oui, oui. Je vous ai souvent parlé de l'Afrique. Oui, un continent que vous connaissez bien. Et pour cause. Très bien, même. Hein. Ouais. Les services secrets français, officiels ou non, y ont toujours été omniprésents. Et puis, ils y ont fait des faits des présidents, et à travers les réseaux qu'ils ont mis en place, ils ont soigneusement veillé à ce que nos intérêts soient préservés. Enfin, inutile d'y revenir. Oui, d'accord. Mais à ma connaissance, la Guinée équatoriale ne fait pas partie du précaré français. Ne faisait pas partie, vous voulez dire. Car la France n'a jamais cessé d'y avancer des pions. Alors, au détriment des Espagnols, enfin, les anciens colonisateurs. Exactement. Mmh. Les Espagnols qui n'ont pas vraiment apprécié de se voir peu à peu évincés. La Guinée équatoriale a rejoint la zone franc dès le milieu des années 80. Et nous avons signé plusieurs accords de coopération avec le gouvernement équato-guinéen, dont un accord d'assistance militaire. Mmh. Mais pourquoi? Cet intérêt de la France pour ce petit pays, c'est le pétrole, non? Naturellement. Au fil des années, il s'est révélé que la Guinée équatoriale était un véritable Eldorado pétrolier. Mais les Français ne sont pas les seuls. Hein. Les compagnies américaines sont aussi extrêmement présentes. Et le président équato-guinéen, Teodoro Obiang Nguema, excelle à jouer de ses rivalités. Pour son plus grand profit, évidemment. Ah oui. Alors, quand même, avant d'en venir à ces morts mystérieuses... Un mot peut-être sur ce dirigeant africain et le régime politique du pays? Volontiers. Obiang Nguema est le neveu du premier président du pays, Francisco Macias Nguema. Un dictateur particulièrement féroce puisqu'on estime qu'en 10 ans, il a fait assassiner entre 5 000 et 10 000 personnes. À la fin des années 70, le neveu chasse l'oncle et il s'empresse de le faire juger et exécuter. Et le neveu s'installe dans son fauteuil de président. Bien sûr, il est maintenant à la tête d'un pays qui a été ruiné par la dictature ubuesque de son oncle. Alors, est-ce qu'il devient dictateur à son tour? J'allais vous répondre forcément. L'oncle avait éliminé tous les opposants ou les avait obligés à fuir le pays. Le neveu pouvait donc exercer un pouvoir absolu, une sans égard privée. Aussi féroce que l'oncle? Le régime d'Obiang a fait l'objet d'innombrables plaintes d'organisations de défense des droits de l'homme. Elles ont inlassablement dénoncé les arrestations arbitraires, les tortures pratiquées par les militaires ou la garde personnelle du président équato-guinéen. Des États aussi ont enjoint Obiang de démocratiser son pays, mais presque un quart de siècle après son accession au pouvoir, le président est toujours en place et il est régulièrement réélu avec des scores absolument staliniens. Ouais, de drôles d'élections, donc. Hein. J'ajoute, mais ça ne vous surprendra pas que le clan du président règne sur l'économie du pays et se comporte comme si le pays était sa propriété privée. Encore aujourd'hui ? Oui. Et malgré la manne pétrolière, l'écart s'est encore creusé entre les plus pauvres, la majorité des habitants d'ailleurs, et les plus riches qui appartiennent pour la plupart au clan dirigeant. Mais la Guinée équatoriale n'est malheureusement pas une exception, vous le savez bien. Vous avez parlé des États hein, qui avaient sommé Obiang de démocratiser son pays. Et de respecter les droits de l'homme. La France en a-t-elle fait partie ? La France, disons-le honnêtement, a toujours eu une attitude extrêmement hypocrite vis-à-vis de la Guinée équatoriale. Que ce soit sous la gauche ou la droite, Obiang a toujours été l'objet de beaucoup d'égards. Il a été reçu à de nombreuses reprises à l'Élysée. Et les gouvernements successifs, je vous l'ai déjà dit, n'ont pas mégoté en matière de coopération. Vous avez même parlé de coopération militaire. Il faut aussi parler de coopération policière. Nous avons eu là-bas, je ne sais pas si c'est encore le cas, une délégation du SCITP, le Service de Coopération Technique Internationale de Police. Ouais, le fameux service qui a confectionné le vrai faux passeport d'Yves Chalier dans l'affaire du Carrefour du Développement. C'est hein, ça, oui. Et quelle était la mission alors de ces policiers français ? Bon, en principe, ils devaient conseiller et former leurs homologues équato-guinéens, mais ils étaient aussi chargés de vanter les mérites des matériels français. Des matériels utilisés pour assurer le maintien de l'ordre. Oui, et ça, puis à l'occasion, ils pouvaient aussi faire un peu de renseignement. Enfin, ça leur était facile. Ouais. Et au moment où se sont passés les faits dont nous allons parler, là, des policiers de ce service se trouvaient-ils sur place ? Tout à fait. Donc, eux, ils savent peut-être une partie de la vérité. Bah, allez leur demander. Ça m'étonnerait que vous soyez bien sûrs. Je suis quand même étonné de constater qu'on avait mis en place cette coopération policière avec un pays où, dites-vous, les droits de l'homme étaient si peu respectés. Bah, c'est que vous êtes naïf, monsieur Penaud. Les intérêts supérieurs et pétroliers guidaient nos dirigeants. Et d'ailleurs, en matière de coopération, nous avons encore fait mieux. Ce sont des Français qui ont formé la garde présidentielle équato-guinéenne. 200 hommes vêtus d'uniformes noirs qu'on a rapidement appelés les ninjas, c'est tout dire. J'ajoute que l'ambassadeur français de l'époque était considéré là-bas comme le meilleur conseiller du président Obiang. Autre question alors. Qui était le ministre de l'Intérieur français qui a décidé l'envoi de cette délégation de policiers en Guinée équatoriale ? Je crois que c'était Charles Pasqua. Ah. Le terrible monsieur Pasqua, comme l'a appelé l'un de vos confrères, s'est toujours beaucoup intéressé à l'Afrique, vous ne l'ignorez pas. Enfin, pour couronner le tout, on trouvera aussi en Guinée équatoriale quelques soldats de fortune proches de l'extrême droite française. Alors, c'est peut-être temps là, d'en venir à ces morts mystérieuses ou à ces tentatives d'empoisonnement. Bien, mais voyons dans le détail. Ouais. La première victime est un coopérant français, un économiste qui travaillait pour le gouvernement équato-guinéen, André Branger, qui n'avait pas encore atteint la cinquantaine, avait déjà 25 ans d'Afrique derrière lui. Et au moment de sa mort, au début 1993, cela faisait déjà 3 ans qu'il se trouvait dans la capitale du pays, Malabo. Donc un homme d'expérience en Afrique. Et quel genre d'homme ? Bon, d'après ce qu'on m'a raconté, c'était un personnage sympathique, un bon vivant. Il travaillait pour le gouvernement, mais il était payé par le ministère français de la coopération. Ben, naturellement, c'était un fonctionnaire. Et en Guinée équatoriale, avait-il des relations avec des dirigeants importants ? Certainement. Et son poste au ministère du plan lui permettait d'avoir une vue d'ensemble sur l'économie du pays et les éventuels trafics qui s'y passaient. Ah, les trafics, quel trafic ? Bon, dans une dictature, quelle qu'elle soit d'ailleurs, on peut trafiquer en toute impunité quand on appartient au cercle supérieur de la société et du pouvoir. Alors vous me demandez quel trafic ? Bah, ils étaient nombreux, variés, à tel point qu'un journaliste espagnol a comparé le pays à une grotte de voleurs. Ouais, c'est imagé, mais soyez plus précis, s'il vous plaît. Bah, il y avait d'abord les dividendes perçus systématiquement sur les activités économiques ou commerciales. Bon, bah, je vous donnerai un seul exemple, mais il est édifiant. Le président Obiang avait accepté qu'une entreprise nord-américaine se débarrasse de ses déchets toxiques en Guinée équatoriale. Une sorte de poubelle, en somme. Oui, bien. Pour chaque tonne déposée, l'entreprise payait une dîme de $60. À qui ? Bah, je vous le laisse deviner. Ouais, d'accord. Et autre trafic ? Bah, le blanchiment d'argent. Et la drogue. La Guinée équatoriale a servi de plaque tournante entre l'Amérique du Sud et l'Europe. Mais c'est prouvé, ça. Absolument. À plusieurs reprises, des diplomates et même un ministre, tous proches du président Obiang Nguema, ont été trouvés en possession d'importantes quantités de drogue. Et sur des bateaux battant pavillon équato-guinéen, on a également découvert des chargements de drogue colombienne. C'est tellement vrai qu'un rapport international a classé la Guinée équatoriale parmi les 9 narco-états d'Afrique. Narco-états. Et selon vous, ce Branger-là pouvait avoir surpris certains secrets de ces trafics ? Ça me paraît évident. Et c'est une des raisons parmi beaucoup d'autres qui pourraient expliquer son assassinat. Quelle était la réalité des rapports entre la France et la Guinée équatoriale. En décembre 1994, un journal de Zurich, la Neue Zürcher Zeitung, publie ceci. À l'occasion de la condamnation de la farce électorale de novembre 1993, pour éviter que la France ne fasse une fois encore cavalier seul en Afrique, en se désolidarisant du reste de la communauté internationale, il a fallu que le chef du gouvernement espagnol, Felipe González, intervienne personnellement auprès du président Mitterrand. L'ambassadeur de France, Jacques Gazon, qui n'a été rappelé qu'en septembre dernier, continuait en effet à jouer à Malabo le rôle de conseiller principal du président équato-guinéen, suggérant au gouvernement Obiang les mille et une façons d'échapper aux sanctions de l'Union européenne. La coopération militaire française est responsable de la formation et de l'équipement de 200 miliciens constituant le noyau de ce qu'on appelle les ninjas, qui ont remplacé l'an dernier les Marocains de la garde présidentielle. Il n'est pas seulement question de la zone stratégique de la France en tant que grande puissance en Afrique, ni de son souci de défendre le rayonnement de sa langue, il s'agit également de défendre les intérêts financiers de Paris qui portent sur plusieurs contrats signés entre les deux pays. Avant de parler de l'assassinat de Branger, je voudrais évoquer trois autres morts très suspectes. Il s'agit tout d'abord de deux employés de l'ambassade de France. L'un était intendant et à l'occasion chiffreur. L'autre était le chiffreur en titre. Tous deux, avant leur mort, se seraient plaints de maux de ventre et ils auraient eu de fréquentes nausées. Vous employez le conditionnel, hein ? Oui, parce que le plus grand flou entoure cette affaire et que je n'ai aucune certitude. Mmh. Et la troisième mort Celle d'un banquier, directeur de l'Abiyao, en Guinée équatoriale, une banque à majorité française. Cet homme, Manuel Andrés, était très ami avec Branger. Et en tant que banquier, il disposait d'informations très confidentielles sur les flux d'argent dans le pays. Vous pensez donc qu'il aurait pu communiquer quelques-unes de ces informations à son ami ? C'est une hypothèse. Mais comment est-il mort, hein ? On a murmuré qu'il aurait été empoisonné à la digitaline. Mais enfin, là encore, aucune certitude. En Guinée équatoriale, on n'est pas très curieux. Oui, en effet. Et dans quelles circonstances André Branger, lui, a-t-il été assassiné ? Un matin, il est retrouvé mort, dans son lit. Il a été égorgé. Le médecin qui examine le corps note aussi que le crâne a été défoncé. Oui, donc sans doute préalablement à l'égorgement. Oui, on a dû l'assommer d'abord. Détail curieux, on a déposé un linge blanc sur son visage. Ce qui veut dire ? Ça, je ne sais pas, mais peut-être voulait-on cacher ses yeux. Les assassins sont parfois très superstitieux, mais enfin, l'important n'est pas là. Est-ce qu'il y a eu vol ? Oui et non. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire qu'aucun objet de valeur n'a été dérobé. On n'a pas non plus volé d'argent, mais tous les papiers de Branger ont disparu. Et ces papiers, qu'est-ce que c'était ? Branger écrivait beaucoup. Il avait noirci des dizaines de cahiers et projetait même de publier un livre sur son expérience en Afrique. Et d'après vous, là, il pouvait y avoir dans ses écrits des révélations sur les turpitudes, disons, du régime équatorien. Ce n'est pas impossible. Autre élément troublant, Branger, un mois avant sa mort, avait confié à plusieurs proches, dont son épouse, qui demeurait en France, qu'il craignait pour sa vie. Ça veut dire qu'il avait reçu des menaces. C'est probable. Ouais. Et l'un de ses meilleurs amis, un Américain, quittera précipitamment la Guinée équatoriale après avoir appris l'assassinat de Branger. Et comment les autorités équato-guinéennes réagissent-elles? À Malabo, la police s'empresse d'affirmer qu'il s'agit d'une affaire de jupons, la vengeance d'un homme trompé. Branger lui aurait volé sa maîtresse, une version accréditée aussitôt par l'ambassade. Ça vous paraît crédible ? Non. En Afrique, où les mœurs sont souvent légères, on ne tue pas pour un tel motif. À la rigueur, on fait plutôt appel aux sorciers. Mais la suite n'est pas moins étrange. Le corps du coopérant est rapatrié en France. Sur le papier autorisant ce rapatriement, le médecin militaire coche deux cases. Obstacle légal à l'inhumation et non à la crémation. Ouais, parce que, je pense, il veut qu'un de ses collègues français, un médecin légiste, examine le corps. Bien entendu. Il s'agit d'une affaire criminelle, mais étrangement, l'ambassadeur français en Guinée équatoriale décide de ne pas tenir compte de ces indications. Il considère que l'enquête ne nécessite pas d'examen complémentaire. Et le corps est incinéré dès son arrivée sur le sol français. J'ai envie de vous dire, mais... De quoi se mêlait cet ambassadeur ? C'était en quelque sorte le patron de Branger, mais vous avez raison. Son attitude est surprenante. Haute bizarrerie. La dépouille est partie dans un cercueil et arrivée dans un autre. C'est fou, ça. Comment vous expliquez ça ? Je ne sais pas, mais manifestement, on ne voulait pas que le corps fasse l'objet d'une véritable autopsie. J'ajoute que l'épouse de Branger n'a même pas été consultée. Ouais. Pensez-vous qu'une autopsie aurait pu donner des informations complémentaire sur les causes de la mort de Branger ? Je ne vois pas d'autres explications. Et ce qui va suivre donne une piste. Attendez, j'imagine que l'épouse de Branger a dû déposer une plainte, afin d'essayer d'éclaircir l'assassinat de son mari. Bien sûr, et une juge d'instruction française a été chargée du dossier. On en parlera tout à l'heure. Une autre question, alors, avant d'aller plus loin. L'ambassadeur de France était-il cet homme qui était considéré comme le conseiller le plus influent du président Obiang? C'était lui. Mmh. Enfin, je poursuis. Six mois plus tard, un autre coopérant français, le docteur Gérard Desgranges, décède. Lui aussi est retrouvé sur son lit, sa tête et son bras gauche sont penchés vers le sol où l'on relève des traces de médicaments. Toutefois, l'acte de décès mentionne simplement mort par arrêt cardiaque. Oui, encore un manque de curiosité sans doute. C'est certain, oui, la dépouille est rapatriée en France. Sa famille l'attend à Roissy, constate que ce rapatriement a été fait de façon hâtive et dans des conditions administratives irrégulières. Irrégulières, c'est-à-dire? Des papiers indispensables manquaient. La famille est donc prise de soupçons et elle exige qu'une autopsie soit pratiquée. Obtient-elle satisfaction? Oui, elle saisit le tribunal compétent et l'autopsie a lieu. L'examen médical établit que le docteur Desgranges semble avoir été victime d'une intoxication médicamenteuse aiguë. En effet, le médecin légiste constate la présence dans son sang de cellules macrophages. Oui, alors ça pourrait coller avec les traces de médicaments relevées sur le sol de sa chambre. Oui, mais enfin, ça n'explique pas pourquoi on découvre à la radio qu'il a aussi plusieurs côtes fracturées. Ah, d'autre part, son frère témoigne que Desgranges se plaignait depuis quelque temps de douleurs au ventre. Et il affirme que, médecin, son frère n'aurait jamais absorbé une surdose de médicaments. Ça me paraît vraisemblable alors. Mais quelle conclusion en tirez-vous, hein? Écoutez, je ne suis ni policier ni médecin, mais avouez que ça ressemble à un empoisonnement. Et pourtant, la justice française classera le dossier sans suite. Toutefois, avant d'aller plus loin, il n'est pas inutile de revenir un petit peu sur les conditions de travail du docteur Desgranges. Ce coopérant français avait été affecté à l'hôpital de Bata, la principale ville de la partie continentale de la Guinée équatoriale. Mais cet établissement, autrefois très réputé, s'était gravement dégradé au fil des ans. Vous pouvez encore y travailler, non? Franchement, non. Non, la plupart des installations étaient hors d'usage. Songez qu'il n'y avait même pas d'eau courante ni d'électricité. Ouais, donc ce médecin ne pouvait pas y travailler, c'est ça? Non, ni opérer, étant donné l'état de délabrement du bloc opératoire. Et ça désolait Desgranges, qui était un médecin très consciencieux et apprécié de la population. Alors, il s'était résigné à soigner ses patients chez lui. Mais il espérait que la situation changerait bientôt, car Paris lui avait appris que le fonds d'action de la coopération allait débloquer à nouveau une importante somme d'argent destinée à réhabiliter l'établissement. Vous dites à nouveau, alors, parce que de l'argent avait déjà été versé. Oui, en 1990, près de 4 millions de francs. Et peu de travaux avaient été réalisés, ce qui l'avait été présenté de graves défauts. Alors, où était passé cet argent? Il n'était certainement pas perdu pour tout le monde. Oui, d'accord, mais enfin... Le docteur Desgranges avait peut-être son idée là-dessus. Possible. En tout cas, il était bien placé pour savoir que cet argent avait été détourné. Mmh. Est-ce qu'il avait fait part de ses soupçons à quelqu'un? Oui, à sa famille. Et ça explique aussi alors pourquoi la famille a demandé cette autopsie? Certainement. Et lors des vacances qu'il allait prendre au cours de cet été 1993, il comptait probablement se rendre au ministère de la Coopération afin de demander des explications. Mais il n'en a pas eu le temps. On lui a demandé de retarder ses vacances et 3 semaines avant son départ pour la France, il est mort. Ouais. Et comme je vous connais bien, vous ne croyez pas aux coïncidences? Je m'interroge. D'autant que le téléx diplomatique annonçant que le docteur Desgranges avait accepté de retarder ses vacances portait la mention « diffusion restreinte ». Comme s'il s'agissait d'une information confidentielle, c'est ça? Exactement. Étrange, non? Alors poursuivons, on trouve un successeur au docteur Desgranges, un chirurgien, un coopérant français qui s'appelle Abdoulaye Keïta. Dès qu'il arrive à l'hôpital de Bata, il est effaré. Oui, à cause du délabrement de l'établissement, c'est ça? Naturellement, car lui aussi sait que le ministère de la Coopération a dépensé beaucoup d'argent pour rénover les installations. Alors, Keïta estime que son devoir lui impose d'alerter aussitôt Paris. Il dénonce tout ce qu'il a constaté et n'hésite pas à pointer du doigt la responsabilité du chef de la mission française de coopération en Guinée équatoriale. Il est entendu? Absolument pas. On l'entend si peu qu'on débloque un nouveau crédit. Ah, mais c'est celui qu'attendait le docteur Desgranges. C'est ça, oui. Un crédit de plus de 21 millions de francs destiné à gérer l'hôpital et à recruter et former le personnel. C'est tout simplement extravagant. Oui, parce que l'hôpital n'était pas en état de fonctionner. Mais évidemment, c'est un établissement fantôme. Donc, cette nouvelle subvention est destinée à être détournée, c'est ça? Ça me paraît clair. Oui. Il y a ce gêneur de Dr Keïta qui envoie au ministère rapport sur rapport. Et bientôt, ce chirurgien, comme son confrère Desgranges, va lui aussi souffrir de nausées. Anne Crignon est la journaliste qui a mené l'enquête la plus complète sur ces événements de Guinée équatoriale. En septembre 1999, elle publie un long article dans le Nouvel Observateur. Elle constate que les coopérants français meurent étrangement en Guinée équatoriale et que les autorités françaises demeurent obstinément muettes. Et à propos du docteur Keïta, elle écrit « C'est un médecin ombrageux, par le genre à raser les murs pour un plan de carrière. Il s'attend à trouver à Bata un hôpital rénové. Or, La peinture s'écaille, les fils électriques pendent, il pleut dans la salle d'opération et les lits qui datent de la colonisation espagnole sont pourris. Le peu d'eau qui sort des robinets est boueuse. Poussif, un groupe électrogène rend l'âme. À des milliers de kilomètres de la France, dans un pays où la Cour des comptes ne vient pas, ça sent les affaires à plein nez. Keïta tente d'alerter son ministre. Il poste des rapports par la valise diplomatique où il met en cause le chef de la mission de coopération qui gère à Malabo l'argent français. Keïta prévient aussi sa fille, Marianne. Elle n'a pas 30 ans, c'est une grande fille, ronde, toujours bien mise, dotée comme son père, de suite dans les idées. Un jour, elle se faufile rue Monsieur au siège de la coopération, exige de voir le ministre, Michel Roussin. À l'heure de la fermeture, les huissiers déposeront l'emmerdeuse, toujours vissée à sa chaise, sur le trottoir. D'après vous, on tente donc d'empoisonner le docteur Keïta? Oui, mais le médecin a très vite des soupçons et il sauve sa vie en décidant de rentrer précipitamment en France. À peine arrivé, il se fait faire des analyses de sang, analyses qui mettent en évidence la présence de deux dérivés de la digitaline. Encore? Un poison lent à agir, mais mortel à coup sûr. La victime semble avoir succombé à un arrêt cardiaque, une mort naturelle en somme. Très pratique. En effet, je vous rappelle que la mort du prédécesseur de Keïta a été attribuée à un arrêt cardiaque. Il aurait donc été empoisonné à la digitaline lui aussi? Très possible. Et si on avait pu analyser le sang du cadavre d'André Vranger, on aurait peut-être aussi découvert des traces de digitaline. Alors c'est pourquoi alors son corps aurait été incinéré si vite? C'est une hypothèse très plausible. D'accord, mais la cause de la mort est quand même connue. Branger a été égorgé. Oui, vous avez raison, mais le ou les assassins ont peut-être été obligés d'accélérer le processus en apprenant que le coopérant allait publier son livre. Ah oui. Et revenons quand même au docteur là, Abdoulaye Keïta. Que fait-il quand il constate qu'il a certainement été victime d'une tentative d'empoisonnement? Eh bien, en vue des résultats des analyses, le médecin dépose une plainte. Mmh. Une plainte qui n'aboutira jamais. Par contre, au ministère de la Coopération, on estimera que le médecin a simplement été victime d'une sorte d'anxiété tropicale. Ça, je connaissais pas. Non, moi non plus. Enfin, et comme Keïta se remue beaucoup pour alerter la presse et dénoncer les magouilles qu'il a constatées en Guinée équatoriale, il est licencié pour manquement au devoir de réserve et d'obéissance. C'est donc lui qui paie, quoi. Eh oui. Mmh. Mais au ministère de la Coopération, et sans doute même au plus haut niveau de l'État, on commence à se dire que, décidément, l'affaire risque de provoquer de sérieux remous. Et on décide prestement de mettre de l'ordre. Ça veut dire quoi, ça, mettre de l'ordre? L'ambassadeur de France est rappelé peu de temps après le retour du docteur Keïta. Et pendant plus d'un an, il sera injoignable. Le président Obiang Nguema perd donc son conseiller. Oui, le chef de la mission française de coopération, lui aussi, quitte la Guinée équatoriale. Enfin, une société de travaux publics, filiale de Bouygues, qui avait travaillé à l'hôpital de bataille dissoute. Vous pensez qu'on veut effacer toutes les traces de détournement d'argent? Écoutez, je vous laisse seul juge. Le docteur Keïta a donc provoqué un beau remue-ménage, même si sa propre plainte n'aboutit pas. Même s'il n'arrivera jamais à faire reconnaître qu'il a été victime d'une tentative d'empoisonnement. Mais je vous le rappelle, une autre plainte avec constitution de partie civile a été déposée par l'épouse d'André Branger. Mmh. Une femme qui s'étonne par ailleurs que le ministère de la Coopération n'ait pas pris une initiative semblable. Oui, parce que son mari a été tué en service. Et pour des motifs qui avaient peut-être directement un lien avec son travail. Mais enfin, passons. La juge d'instruction est bien décidée à tout faire pour découvrir la vérité. Mais elle s'aperçoit rapidement que les autorités françaises n'ont guère envie de lui faciliter la tâche. Oui, comment? Au Quai d'Orsay, on tarde à transmettre la demande de commission rogatoire internationale de la juge qui veut envoyer des enquêteurs en Guinée équatoriale. Toujours au Quai d'Orsay, on déclare ne pas savoir où se trouve l'ancien ambassadeur de France à Malabo. Comme si ça se perdait, un ambassadeur. Oui, enfin, c'est à peu près ça. On trouvera quand même, non? Oui, mais ça ne servira à rien. Le diplomate entendu par les gendarmes se contentera de répéter que Granger a été la victime d'un crime crapuleux et ne dira rien d'autre. Pas d'explication sur cette incinération express? À ma connaissance, non. Non, par ailleurs, les gendarmes qui se sont fait transmettre le dossier d'André Granger au ministère de la Coopération constatent qu'il manque certaines pièces. Et quand ils demandent ces pièces absentes, on leur répond qu'elles sont classées confidentielles défense. Est-ce que ça pourrait indiquer que Granger n'était peut-être pas un coopérant tout à fait comme les autres? Que voulez-vous dire? Vous êtes bien placé pour savoir que nos services secrets se sont souvent servis de la coopération pour infiltrer les agents à l'étranger. Vous pensez bien que j'y ai tout de suite pensé. Mais non, je suis désolé de vous décevoir. Granger n'était pas un agent, même si par nature il était très curieux et sans doute un peu fouineur. Mais est-ce que les policiers français parviennent enfin à enquêter en Guinée équatoriale? Oui, 3 ans ont passé depuis l'assassinat du coopérant. Et les autorités équato-guinéennes sont un peu étonnées de voir débarquer ces enquêteurs. D'autant qu'elles considèrent qu'il s'agit d'une affaire franco-française et qu'elles ne sont nullement concernées. Ouais, franco-française. Oui, et les policiers locaux se défendent d'avoir voulu étouffer l'affaire. S'il y a eu volonté d'étouffement, disent-ils, il faut chercher du côté des Français qui nous ont empêchés de faire notre travail. Ah, c'est très intéressant, ça. Oui, autre surprise. Les enquêteurs découvrent qu'il n'y a aucun dossier à l'ambassade sur la mort de Manger. Parce qu'il y aurait dû en avoir un. Bah, bien entendu, la mort violente d'un coopérant français, c'est quand même pas n'importe quoi. Alors on leur répond que le dossier a vraisemblablement été détruit. Bref, vous l'avez compris, l'enquête n'aboutira à aucun résultat. Mais dans l'ombre, on continuait à s'occuper sérieusement de ces morts mystérieuses. Et les plombiers étaient à l'œuvre. Hein. Les plombiers, quoi. Vous voulez dire des cambrioleurs? Oui, oui, c'est ainsi que... Barbouze. Oui, ouais. C'est ainsi que le logement de la fille du docteur Keita a été fouillé et mis à sac. L'appartement d'une de vos consoeurs, qui s'acharnait elle aussi à découvrir la vérité, a été visité. Plusieurs documents lui ont été volés. Enfin, curieusement, certains lui ont été restitués par un fonctionnaire de sécurité du ministère de la Coopération. Encore une coïncidence que vous trouverez sans doute étrange. Autant que vous, j'imagine. Hein. J'ajoute, en me gardant bien de faire le moindre commentaire, que le ministre de la Coopération de l'époque était Michel Roussin, un ancien officier de gendarmerie qui avait exercé de hautes fonctions à la DGSE. Et nos services de renseignement. Et là aussi, vous trouvez qu'il y a une coïncidence? Pas de commentaire, vous ai-je dit. D'accord. Mais enfin, vous en dites trop ou pas assez, alors que concluez-vous? Je pense que tous ces hommes avaient découvert des magouilles. Des détournements d'argent? Oui. Mais cet argent n'était sans doute pas destiné à garnir la bourse de leurs auteurs. Et je suis à peu près certain qu'ils le retournaient assez rapidement à Paris dans des officines barbouzarnes. Ou peut-être même dans la caisse de certains partis politiques. Alors les trafics strictement équato-guinéens n'auraient donc rien à voir dans ces affaires? Je ne crois pas, non. Et pour une bonne raison. Ils étaient connus de tous. Une dénonciation de plus ou de moins ne changeait rien à l'affaire. Ça aurait été une goutte d'eau dans la mer. C'est votre dernier mot? Non. Non. En 2000, un jeune équato-guinéen, un délinquant drogué, a avoué être l'assassin d'André Manger. Il aurait tué pour voler. Ah, mais vous m'avez dit que rien n'avait été volé chez Manger à part ses documents. C'est pourquoi, comme l'épouse du coopérant, je crois qu'en mettant en prison ce jeune homme, les autorités de Malabo ont voulu mettre complaisamment un point final à cette affaire qui nous embarrassait tant, nous, Français. Que faut-il penser? Après avoir enregistré Monsieur X, je me suis plongé dans la lecture d'un livre passionnant de François-Xavier Verchève, intitulé « Noir silence » et publié en 2000 aux éditions des Arènes. Et j'y ai lu ces quelques lignes touchant la mort de Manuel Andrés, directeur de la BIAO en Guinée équatoriale. Il aurait remis à son ami Branger un listing d'opérations illégales impliquant la France-Afrique locale, un chef mercenaire, des personnages clés du financement politique de la droite française. Si ce listing a existé, il devait figurer en bonne place parmi les documents dérobés dans la chambre de Branger. Il semble avoir connu le même genre de soustraction barbouzarde que les archives du palais de Bokassa. Ce qui est certain, c'est que les circuits de l'aide française à la Guinée équatoriale n'étaient pas beaux à voir. Contaminés par les mœurs du régime Obiang, ils caricaturaient les pratiques ordinaires de coulage et de détournement, mixant les fins personnelles et politiques ou les œuvres discrètes, le financement des services et de leurs vrais faux mercenaires. À samedi prochain, et je vous rappelle notre site internet franceinter.com, un site qui vous permet de réécouter cette émission ou même des émissions beaucoup plus anciennes.